C'est au bout, l'amour émotionnel. C'est une vibration qui sert d'une substance plus basse pour se manifester, au lieu de se servir d'une substance plus haute pour se manifester. La vie, on a tout à apprendre, la vie. Tout. Vibratoirement. Pas psychologiquement, vous n'allez rien apprendre psychologiquement de la vie. Mais vibratoirement, vous allez apprendre de la vie. C'est vibratoire, la vie, c'est pas psychologique. C'est totalement vibratoire. Mais une fois que vous allez avoir la vibration, que vous allez commencer à sentir, d'ailleurs, c'est commencé un petit peu, là, certains. Comment est-ce que ça s'appelle, Diane, là? Quand elle a plein de cul, c'est qu'elle dit, Diane? Et quand tu n'as plein de cul, c'est que ça la vibration, c'est ça la vie. Là, tu commences à être bien dans ta peau quand tu commences à sentir cette vibration-là, puis tu commences à en avoir plein de cul. Tant que vous n'avez pas plein de cul, vous savez pas qu'est-ce que ça vient encore. Vous savez pas qu'est-ce que c'est. Mais quand le feu électrique commence à rentrer, là, pis ça passe dans la colonne, là, pis ça monte, pis ça descend, pis ça monte, pis ça descend, là. Que vous venez dans cette affaire-là, ici, là. Je te jure que vous la sentez, la vibration. Vous la checkez, la vie. Je m'en vais avec mon char, là, faut que je passe une roche. Il pouvait pas me faire passer à côté, le chien. Faut que je passe à la roche, péter mon char en dessous. C'est des malades! Faudrait quasiment être 2000 devant le char pour le voir. Fait que tu changes ta vibration, pis après ça, t'es 2000 devant le char pour le voir. Tu passes plus à la roche. C'est le même de vie. Ça va loin, discernement. Parce qu'ils n'envoient pas la piste d'huile sur la route, eux autres. Ils envoient. Pis ils t'attendent au coin de la rue, Charlie. Pis ils te font changer tes vibrations, là. Tu prends le faux au derrière dans le char, là. Pis là, t'oublies toute la fuite. Tu l'oublies la fuite, là, pis tu passes dessus, pis tu rentres dans les murs. C'est le même, ça marche! Tout le temps! Mais quand on est inconscient, on le voit pas. On dit, tu étais malchanceux. Je suis sans dessin. On est sans dessin pendant des années de temps. Mais rendu à part 30 ans, t'es sans dessin. Tu te l'as assez dit souvent que t'es sans dessin. T'as assez cru que c'est toi qui te disais que t'étais sans dessin. Que tu y croyais. Mais quand c'est eux autres qui disent que t'es sans dessin, là, tu commences à te révolter tout à l'heure. Question. Il y a des fois que tu dis qu'on n'a pas le temps de se protéger. On n'a pas le quoi? Qu'on n'a pas le temps de se protéger. Parce qu'on n'est pas assez vite. Quand t'as le discernement, tu te protèges. Tu l'as le temps. Tu viens vite. L'esprit devient vite. On se protège pas parce qu'on prend des chances. On s'ouvre aux vibrations. On se fait avoir. Quand tu parles d'eux autres en haut, qui sont des chiens, tu vois-tu les phases de lumière? Oui, les phases de lumière. C'est ça. Ça marche pas, ça, des chiens, les phases de lumière? C'est ça. Des chiens lumineux. Des chiens lumineux. Penses-tu que ça les dérange, eux autres, de se faire appeler des chiens? Toi, ça peut te déranger, mais eux autres, ça les dérange pas. Ouais. C'est la différence. Quand ça te dérangera pas, on les appellera chiens. Pas pour rien, je vous parle de même. C'est pour vous faire passer dans vous autres un petit peu de ma vibration. Parce que vous autres, vous n'avez pas pu les appeler des chiens, vous êtes bien trop bons. Vous êtes spiritueux. Pas spirituel, spiritueux. Oui. Vous viendriez tout de croche, les appeler des chiens, vous autres seuls. Je vous donne un coup de pouce. Faut avoir souffert, les appeler des chiens. T'es pète les formes. Tu peux pas travailler dans les formes avec eux autres? Tu peux pas commencer à parler des anges, des archanges, des ci, des ça? Comme ça, c'est pas les mamans qui viennent nous embêter. Les mamans? Oui. Les mamans? Les mamans, c'est des mamans. Oui, mais il aurait pas été des autres qui viennent nous oublier comme ça. Moi, quand tu parlais des chiens, je prenais mes parler, je pensais que c'était les autres. Ah, c'est tout ce qui est dans... Tout ce qui est ces autres plans, c'est des chiens pour moi. Tout ce qui vous casse les pieds, c'est des chiens. Quand vous saurez ça, ben, c'est des mamans, vous le saurez, pis c'est eux autres, vous le saurez. C'est des chiens pareils. C'est moi qui venais aux mamans, ils sont chiens, plus en lumière. C'est ni gênant, ni d'un bord du bloc. Elles sont chiens, aussi. Quand tu te fais casser les pieds, tu te fais casser les pieds. Même ça viendrait d'un ego. Ça vient des forces spirituelles, ou des forces de lumière, même chose. L'homme doit être autonome. On a le droit d'être autonome, on doit être autonome. Tant qu'on sera pas autonome sur la planète Terre, on n'aura pas la conscience.